peux me croiser en S350. Tu peux me croiser seul ou à 50. Tu peux me croiser avec une Miss Pimpante. Côté passager qui frite sur le 50. J'fais des tours dans la zone lasine. Y'a que des vaillants dans ma team. Viens voir ma vie, c'est un film. J'ferai jamais le BDH, même si une machine. Ça peut t'apporter des fortunes. Ça vole à deux, ça décarre pas son or. Toi, tu prends l'ancien, tu te tortures le nez. Tu donnes des gens, pour toi, beaucoup sont morts. J'suis perdu. Que les salopes s'écartent de moi. Qui est vrai, qui est faux pour les traites, quel est le remède? J'crois des patates dans le foie. Tu faisais moi le maca, ça t'a mis les menottes. Toi, t'es mon poteau, mais j't'aime plus que l'autre. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Ce terrain, c'est le note. 1, 3, 5, c'est anti-force de l'ordre. Faut tout niquer, c'est pour achouisser. Ils font tous les gros, mais ils font qu'en sucer. J'suis comme je suis, j'm'en balais du succès. Si ta porte est fermée, on ira à la Suisse. Ils font les fous en vidéo, mais qui sait? Si un jour j'les croise, ils vont glisser. Cellule à fumette, faut la maîtriser. Elle m'a dit, j'suis fou de toi, il me faut mon coup. M'a dit, j'meurs pour toi, mais tu m'ignores. J'dis, moi, c'est les frères, la famille avant tout. Depuis, tu me prends un inconnu et tu me fais la minote. Alors, les jaloux que ils m'étaient. Depuis que j'ai fait disque d'or, même les civils grattent des feuilles. J'suis pas ton pote, moi ni ta pute. S'te plaît, évite de parler de moi dans tes sons pour te faire de la pub. Tu peux me croiser en S3 ou en 50. Tu peux me croiser à seul ou à 50. Tu peux me croiser avec une Miss Pimpante. Côté passager qui frite sur le 50. Tu peux me croiser en S3 ou en 50. Tu peux me croiser seul ou à 50. Tu peux me croiser avec une Miss Pimpante. Côté passager qui frite sur le 50.